promener un petit peu. Ah, bah, et toi, Michel, qui fait beau, là. Eh ben, moi, ça va. Oui. On profite du beau temps. Tu regardes la télé, alors? On va pas avoir bonjour. Monsieur. Elle est loin, petite. Parce qu'il y a un peu de jour.